Les mots que je t'écris, ils vont à ta rencontre. Tout mouillé d'inutile, sans bride, enfin dissible. Ils vont vers toi et ils sont libres. Car les mots que je crée ne se capturent pas. Ce sont des embellis, des gouttes de silence, des étoiles tombées, des siècles à venir.